je leur dise. Mais que veux-tu que je leur dise? Qu'ils arrêtent de fourguer des kilos de pédo, qu'ils arrêtent de chasser la maille du Géo, qu'ils arrêtent de fourguer de la gare. Un barque s'ils sont pécho, pour eux ce serait un drame. Mais que veux-tu que je leur dise? Qu'ils arrêtent de fourguer des kilos de pédo, qu'ils arrêtent de chasser la maille du Géo, qu'ils arrêtent de fourguer de la gare. Un barque s'ils sont pécho, pour eux ce serait un drame. Mais que veux-tu que je dise? Assez cheese. Je me prenne pour un flic, que je les verbalise. Alors qu'on m'a même j'ai fait, je referai les mêmes choses. Lutterai pour la même cause, refourguerai les mêmes doses. Si demain je deviens pauvre, que mes poches sont vides, j'attendrai pas d'avoir des rides, que ma vie devienne acide. Les jeunes n'ont plus qu'un seul repère, le bitume. Mais celui-ci les consume, les fume, suit donc ma plume. Le diplôme n'est plus qu'un PQ, et l'arrivée de l'écu renforcera le deal à ton insu. Car un écu, ce n'est pas un franc, et pour avoir 100 écus, certains sont prêts à donner leur cul. L'argent prendra donc encore plus de valeur, la violence frappera une fois de plus en plein cœur. Des cités, les jeunes seront encore plus irrités, héritiers d'une poupée envoûtée, empoisonnée. Sonnée à la recherche du bonheur terrestre, alors que des mères en Belgique, des bourgmestres se font des millions et sont encore debout. Pour moins que ça, les nôtres ont la corde au cou. Mais que veux-tu que je leur dise? Qu'ils arrêtent de fourguer des kilos de pédo, qu'ils arrêtent de chasser la maille du Géo, qu'ils arrêtent de fourguer ta carte. En part que s'ils sont pécho, pour eux ce serait un drame. Mais que veux-tu que je leur dise? Qu'ils arrêtent de fourguer des kilos de pédo, qu'ils arrêtent de chasser la maille du Géo, qu'ils arrêtent de fourguer ta carte. En part que s'ils sont pécho, pour eux ce serait un drame. Mais que veux-tu que je dise? De 13 ans qui prend comme exemple un grand frère camé ex-délinquant. À part que moi-même ayant vécu l'incarcération, c'est trois fois plus dur que de vivre sous des tours de béton. On ne vit plus que pour tourner en rond. Y'a des couteaux, y'a du popo, y'a de la meme, y'a pas photo. Mais que veux-tu que je leur dise? Et puis d'abord qui suis-je? De plus, chacun règle ses litiges. J'ai chacun pour soi sur cette terre. Le missionnaire en est conscient, dans son esprit, c'est clair. Que veux-tu que je leur dise? Quand la justice elle-même rend des verdicts inégaux, met en scène qu'un move des meurtriers. Rappelle-toi de la Verian Pia, que sont devenus encore nos trottinettes. Il fut appelé à la barre des témoins, aucun des deux. Mais elle sait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Que veux-tu que je leur dise? Que leur avenir s'est d'année en cours, alors qu'il y a 3 millions de chômeurs qui brûlent dans les fours. Que veux-tu que je leur dise? Quand ils gagnent en un mois 3 fois plus que leurs parents en 3 mois. Mais que veux-tu que je leur dise? Qu'ils arrêtent de fourguer des kilos de pédo, qu'ils arrêtent de chasser la maille du Géo, qu'ils arrêtent de fourguer ta carte. En part que s'ils sont pécho, pour eux ce serait un drame. Mais que veux-tu que je leur dise? Qu'ils arrêtent de fourguer des kilos de pédo, qu'ils arrêtent de chasser la maille du Géo, qu'ils arrêtent de fourguer ta carte. En part que s'ils sont pécho, pour eux ce serait un drame. Mais que veux-tu que je leur dise? Qu'ils arrêtent de fourguer des kilos de pédo, qu'ils arrêtent de chasser la maille du Géo, qu'ils arrêtent de fourguer ta carte. En part que s'ils sont pécho, pour eux ce serait un drame. Mais que veux-tu que je leur dise? Qu'ils arrêtent de fourguer des kilos de pédo, qu'ils arrêtent de chasser la maille du Géo, qu'ils arrêtent de fourguer ta carte. En part que s'ils sont pécho, pour eux ce serait un drame. Mais que veux-tu que je leur dise? Qu'ils arrêtent de fourguer des kilos de pédo, qu'ils arrêtent de chasser la maille du Géo, qu'ils arrêtent de fourguer ta carte. En part que s'ils sont pécho, pour eux ce serait un drame. Mais que veux-tu que je leur dise?